Let's see we own the Akim Aya. Let's see what Aya. You won't see the mind. Let's see what Aya. We're in the cinema. Let's see an eye. Let's give a native eye. Let's see an eye. We don't know a natural eye. Let's see an eye. Let's do it. On a vite tombé nos frères, ramés vers une terre d'exil, dans les flots bleus de la misère. On a vite pleuré la mer, croire en une terre fertile. On a vite pleuré la mer. aussi comme ça. Attends, j'y vais. On a vu tomber nos frères, ramener vers une terre d'exil, dans les flots bleus de la misère. On a vu pleurer nos mères, croire en une terre fertile. On a vu pleurer leur mère, croire en une terre fertile. Non, ne l'abandonne pas. Écoute ma voix. Non, ne t'envole pas. Oui, reste avec moi. Dans le couloir du monde promis, l'on me parle à coups de fusil. L'alerte au coin de ses lèvres et les frontières que l'on dessine. À l'ombre des peuples en ruine, attise le feu et la fièvre. À l'ombre des peuples en ruine, attise le feu et la fièvre. Écoute ma voix, on ne t'envole pas. Il reste un hiver. Hey, Phil. Pensées noires en vague à l'âme, la peur sur le macadam. Mon frère, le temps t'affaiblit, payer les vents s'apportent. Le reste de tes feuilles mortes, chasser les spectres et les balais, passer du rêve à l'utopie, sur un radeau campé. Écoute ma voix, non, ne t'envole pas. Il reste avec moi. À l'utopie, sur un radeau campé, de délire chimérique, l'océan bleu pour infini, l'esprit en pleine agonie, retour vers l'Afrique. Non, n'abandonne pas. Écoute ma voix. Non, ne t'envole pas. avec moi. On ne t'abandonne pas. Écoute ma voix. On ne t'envole pas. Allez filles où ? Cool.